Dans une salle de ce château, entre Lady Macbeth, lisant une lettre. Elles sont venues à ma rencontre au jour du succès, et j'ai appris, par la plus complète révélation, qu'elles ont en elles une connaissance plus qu'humaine. Quand je brûlais du désir de les questionner plus à fond, elles sont devenues l'air même, dans lequel elles se sont évanouies. J'étais encore ravi par la surprise, quand sont arrivés des messagers du roi, qui m'ont proclamé baronne Cawdor, titre dont venaient de me saluer les sœurs fatidiques, en m'ajournant aux temps à venir par ces mots « Salut à toi, qui seras roi !» J'ai trouvé bon de te confier cela, compagne chérie de ma grandeur, afin que tu ne perdes pas ta part légitime de joie dans l'ignorance de la grandeur qui t'est promise. Garde cela dans ton cœur, et adieu. Tu es Glamis et Cawdor, et tu sauras ce qu'on t'a promis. Mais je me défie de ta nature. Elle est trop pleine du lait de la tendresse humaine pour que tu saisisses le plus court chemin. Tu veux bien être grand, tu as de l'ambition, mais pourvu qu'elle soit sans malaise. Ce que tu veux hautement, tu le veux saintement. Tu ne voudrais pas tricher, et tu voudrais bien mal gagner. Ton but, noble Glamis, te crie, fais cela pour m'atteindre. Et cela, tu as plutôt peur de le faire que désir de ne pas le faire. Accours ici, que je verse mes esprits dans ton oreille, et que ma langue valeureuse chasse tout ce qui t'écarte du cercle d'or dont le destin et une puissance surnaturelle semblent t'avoir couronné. Entre un serviteur. Quelle nouvelle apportez-vous? Le roi arrive ici ce soir. Tu es fou de dire cela. Est-ce que ton maître n'est pas avec lui? Si cela était, il m'aurait averti de faire des préparatifs. Le serviteur. La chose est certaine. Ne vous en déplaise. Notre baron approche. Il s'est fait devancer par un de mes camarades, qui, presque mort d'essoufflement, a eu à peine la force d'accomplir son message. Qu'on prenne soin de lui. Il apporte une grande nouvelle. Le serviteur sort. Le corbeau lui-même s'est enroué, a croissé l'entrée fatale de Duncan sous mes créneaux. Venez, venez, esprit, qui assistez les pensées meurtrières. Dessexez-moi ici, et, du crâne au talon, remplissez-moi toutes de la plus atroce cruauté. Épaississez mon sang, fermez en moi tout accès, tout passage au remords. Qu'aucun retour compatissant de la nature n'ébranle ma volonté farouche et ne s'interpose entre elle et l'exécution. Venez à mes mamelles de femme, échangez mon lait en fiel. Vous, ministre du meurtre, quel que soit le lieu où, invisible substance, vous aidiez à la violation de la nature. Viens, nuit épaisse, et envole-toi de la plus sombre fumée de l'enfer. Que mon couteau aigu ne voit pas la blessure qu'il va faire, et que le ciel ne puisse pas poindre à travers le linceul des ténèbres et me crier « Arrête ! Arrête !» Entre Macbeth. Grand Glamis, digne Cawdor, plus grand que tout cela par le salut futur, ta laine m'a transporté au-delà de ce présent ignorant. Je ne sens plus dans l'instant que l'avenir. Mon cher amour, Duncan arrive ici ce soir. Et quand repart-il ? Demain, c'est son intention. Oh, jamais le soleil ne verra ce demain. Votre visage, mon baron, est comme un livre où les hommes peuvent lire d'étranges choses. Pour tromper le monde, paraissez comme le monde. Ayez la cordialité dans le regard, dans le geste, dans la voix. Ayez l'air de la fleur innocente, mais soyez le serpent qu'elle couvre. Il faut pourvoir à celui qui va venir. Et c'est moi qui vous chargerai de dépêcher la grande affaire de cette nuit, qui, pour toutes les nuits et tous les jours à venir, nous assurera une autocratie souveraine et l'empire absolu. Nous en reparlerons, madame. Ayez seulement le front serein. Il faut toujours craindre de changer de visage. Pour le reste, laissez-moi faire.